les points sur lesquels ils ont envie de discuter, de quoi ils ont besoin dans leur société idéale. Donc là, les trois points qui ont été notés, on va en discuter. Hein. Ok. Donc voilà, donc, on est à l'atelier EducPop, quelle société veut-on? Et le thème d'aujourd'hui, c'est commerce international. Donc je vais vous donner les trois points qui ont été donnés par les participants qui sont venus au premier et au deuxième atelier. Parce que c'est là qu'on a fait tous les points principaux. Donc là, c'est le premier sur le commerce international. Et les points sont sortir de l'Union européenne et de l'euro, stop au TAFTA, CETA et APE, et retirer à la France le contrôle et la régulation des francs CFA. Donc voilà. Pour le moment, c'est les trois points. Déjà, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres points en tête, comme ça? Ou est-ce que vous voulez qu'on parle directement de ces trois points? Non mais on en parlait tout à l'heure. Non mais il y a comment sont produits les choses qu'on fait avec lesquelles on commerce, d'avoir un contrôle supérieur sur qu'est-ce qu'on fait venir selon comment ça a été produit, par qui, dans quelles conditions environnementales, sociales et une transparence sur la provenance des produits, on va dire, non? C'est un peu ça que tu dis, Ouais, sur la phase de production des produits. Transparence sur la phase de production des produits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bah, pour moi, transparence de la phase de production des produits, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à toute la phase. Je me rends pas compte de ce que ça représente en management ou ça, mais ça doit être assez compliqué. Je ne sais pas si quelqu'un sait comment ça fonctionne et comment c'est tracé aujourd'hui. Bah, parce qu'au final, on n'a pas sur beaucoup de produits, par exemple, de nourriture, y a pas, on ne sait pas d'où vient la viande, on ne sait pas d'où viennent les produits. Voilà. On va dire au niveau loi, logiquement, il y a des lois déjà qui... où ils sont obligés, où la traçabilité doit être obligatoire, c'est-à-dire au moins savoir d'où la viande vient et d'où elle est produite. Après, le problème, c'est que c'est pas assez drastique, comme il y a encore des lois assez drastiques pour vraiment faire la clarification là-dessus. Mais il y a pas mal d'organismes qui demandent déjà là-dessus d'améliorer sur les étiquettes. Mais après, le plus souvent, vous avez en fait, après, bon, faut connaître, des fois sur les paquet de jambon, vous avez un macaron derrière un peu en cercle, vous avez FR et puis un numéro. Ça c'est le pays où c'est produit, c'est-à-dire quand c'est FR, c'est-à-dire c'est en France. Après sinon vous avez DE pour l'Allemagne. Vous avez ça, après sinon vous avez aussi maintenant un logo du pays de la carte de France avec bleu, blanc, rouge et une tête de bovin et tout ça, dessus, ou une tête de poulet. Ça veut dire que logiquement c'est né, élevé et abattu en France. Et après, tout le reste, quand ça veut dire transformé en France ou produit en France, ça veut strictement rien dire. Ça, juste ces parties-là, c'est que ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire sur la traçabilité. Donc voilà. Alors du coup, vu que tu connais un peu, je voudrais juste te poser une question, parce que moi, je me pose des questions. Comme tu dis, le truc FR ou DE, ça veut dire quoi? C'est la viande qui provient de cet endroit-là ou elle a été transformée à cet endroit-là ou, enfin, je... Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des différences là-dessus. Alors, je crois que c'est FE, non, c'est la viande a été produite, c'est dans le pays de production de la viande. Je crois si, le FE, si. FR, ça, si, ça veut dire ça. Ok, parce que, ouais, justement, il y a une différence entre élevage et production, je pense, je sais pas du tout. Pour te répondre rapidement, Jérôme, en fait, le diminutif du pays de production ou, on va dire, de la zone de production, parce qu'il y a aussi Europe, USA, il y en a plein, Le truc, c'est que, en fait, ça ne garantit pas la provenance de la viande, ça garantit juste où elle est produite. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'iPhone, si tu regardes derrière, il y a marqué Made in China. Pourtant, c'est pas fabriqué en Chine, c'est fabriqué dans des usines de la Silicon Valley, c'est monté en Chine. C'est là, en fait, si tu veux, tu peux avoir une viande avec DE derrière. Par exemple, si elle vient d'Allemagne, comme il disait Boris, et manger du bovin, du Périgord, quoi. Ça veut rien dire. Ok. Donc, et est-ce qu'on a accès à ça aujourd'hui? Est-ce qu'on a accès à toute cette traçabilité quand on achète Ce qui est bien, mais c'est que c'est pas forcément pour rebondir sur ce qui a été dit, mais effectivement. Il y a quand même un lien. Par contre, ça va être chiant si le micro il... Hop là. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est pour moi ce qui est assez dramatique, et dans la société idéale, puisqu'on est dans l'atelier de la société idéale, il faudrait pas qu'il se passe ça, c'est qu'on a des espèces de comment dire de normes ou d'appellations. Tout à l'heure, quelqu'un a dit le foie gras du Périgord ou je sais pas quoi, enfin un truc du Périgord. Mais en fait, si cette appellation est achetée, effectivement, tu peux faire quelque chose du Périgord, mais qui sera fait en Chine ou qui sera fait en Afrique ou peu importe. Mais comme ils ont acheté l'appellation pour différentes façons, en fait, effectivement, tu penses que ça vient du Périgord, mais en fait, ça ne vient absolument pas du Périgord. Ah bah non. Alors, je ne sais pas si c'est le terme appellation. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être faites ailleurs et qui si alors là je t'assure à 110%, je n'ai pas de discussion dans l'atelier, je te rappelle. Donc si tu veux me contredire, il y a aucun souci, c'est avec extrême plaisir, mais tu prendras un tour de parole après moi. Voilà. Entre guillemets, voilà. Pour moi, l'un des problèmes, effectivement, c'est ces normes et ces appellations, parce que j'ai l'impression que chaque pays il se passe des trucs bizarres. Enfin voilà, quand on voit qu'il y a des normes en Chine, il y a des normes aux États-Unis, il y a des normes au Canada, et c'est un petit peu dans le fond, dans ce que je dis, il y a aussi les traités de libre-échange, TAFTA, CETA et compagnie. Et en fait, je sais pas pourquoi c'est un tel bordel et pourquoi on n'a pas une norme, enfin si il y aurait des normes qui soient la même pour toutes et pour tous en fait. Et enfin en tout cas, mon souhait, moi, dans ma société idéale, c'est qu'il n'y ait plus tous ces casse-têtes chinois là, sans mauvais jeu de mots. Et qu'en fait, il y a une norme pour tout le monde. Comme ça, ça éviterait tous ces traités boiteux et tous ces traités qui servent à rien. Merci. Ok, merci. En fait, sur ce que tu as dit avant, on peut prendre deux pompes. Tu as des normes pour l'IGP ou c'est indice géographique protégé. Ou là, le produit, tu sais, grâce à ça, c'est produit à l'endroit où c'est maillé. Et tu pourras jamais, si t'as des trucs comme ça, IGP ou je crois il y a d'autres choses, OAP ou d'autres machins là, du même style, tu peux pas, c'est-à-dire que le produit en fait, tu pourras premièrement pas le nommer comme ça sur d'autres productions, s'il est fait en Allemagne, tu pourras pas prendre ce nom-là, et ça indique vraiment, c'est un truc où il s'indique vraiment où c'est produit. Ça, c'est un truc très fiable, ces formes-là. Je vais répondre à Boris et après à Sylvain très courtement. Il y a AOP, appellation d'origine protégée, et les APP, c'est le nouveau truc justement par rapport au comité d'hygiène et des normes européennes. L'APP qui est tout récent, c'est l'appellation de production protégée. C'est-à-dire que si tu achètes, je sais pas moi, un foie gras, comme pour rester en Périgord, un foie gras périgourdin, il y aura le petit macaron noir avec marqué APP, production périgourdine, terroir. Tu vois. Ensuite, pour rebondir un peu sur le casse-tête chinois de toutes ces choses qui nous embrouillent un peu pour pas qu'on se pose la question de ce qu'on consomme, faudrait revenir directement sur la base du problème, c'est-à-dire la commercialisation des cultures, aussi bien culinaire que autre. Là, on est sur du culinaire, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, en Chine, il y a des McDo, en France, il y a des restaurants chinois, enfin, c'est partout pareil. Les gens veulent diversifier un peu leur goût, ils vont entrer dans un système d'achat par principe, on va dire, d'exotisme. C'est-à-dire, j'ai jamais été au Gabon ou j'ai jamais été, je sais pas moi, à Madagascar, jamais été à Madagascar. Il paraît qu'on mange très bien là-bas et je sais que par exemple au jour d'aujourd'hui il y aura un restaurant malgache qui ouvrirait, je saurais, j'irai manger. Et en fait le principe de rechercher ça a créé une demande, et cette demande qui a été créée, elle a été un peu manipulée, bah ça c'est toujours pareil hein. Et à cause de cette demande, les gens ils sont entrés dans une espèce de course en fait aux appellations. C'est-à-dire que le but c'est d'avoir le plus d'appellations possible. Je vais prendre les plats préparés Marie, ils ont plus de 700 labels d'appellation à leur actif quoi. Ils vous font des tandoori indiens et tout qui sont faits en Chine, ils vous font des poulets basques qui sont faits au Mexique. Enfin voilà quoi. Donc je pense que le problème il est plus sur la commercialisation mondiale. OK, merci. Maintenant que c'est moi qui cause, vous pouvez vous approcher. C'est gratuit. Je voudrais dire plein de trucs, mais ce qui me semble le plus important, c'est deux choses. C'est d'abord tout ce qui est alimentation, commerce, business, c'est un lieu de super corruption. C'est-à-dire que c'est pas ceux qui produisent ni ceux qui vendent qui y gagnent, c'est les intermédiaires. Et un tout petit exemple à notre niveau parisien, c'est à Rungis, il y a un producteur qui a des légumes à vendre, il va amener une palette de ses légumes, la décharger, là où il y a un grossiste, hein. Et après il y a un petit commerçant de Paris qui va venir la chercher et la récupérer. Et le grossiste, il n'a pas touché la palette, il n'a pas touché un légume, ni rien du tout. Et celui qui gagne le plus des deux, même plus que les deux mis ensemble. Alors ça dit un peu comment fonctionne ce système. Et personne ne fait rien pour que ça change. Et d'un autre côté, bon, il y a les appellations et tout ça, mais c'est quand il y a, par exemple, le fameux yaourt transnational, c'est-à-dire que le yaourt lui-même, il peut être fait en France, enfin avec du lait français, par exemple, bon, bah, il est français. Après, il peut être transformé au Maroc, la boîte, elle peut être faite en Chine. Après, il est transporté au Mexique ou n'importe où pour écrire, enfin tout ce qui est écrit dessus, avec de l'encre qui vient de Chine, comme ça, par hasard. C'est-à-dire, tout ce qu'on mange, c'est tout un mélange d'un business, où il y a beaucoup, beaucoup de monde qui gagne beaucoup, beaucoup, mais sûrement pas les consommateurs. Et une preuve, c'est aussi ce qui se passe en ce moment au niveau européen, où il y a les traités transatlantiques, ou avec le Canada, etc., où tous les sondages disent que les Français n'en veulent pas, les Allemands n'en veulent pas, les pays du Nord n'en veulent pas, et pourtant on va l'avoir. Pourquoi ? Parce que les députés européens sont corrompus, parce qu'il y a un énorme business derrière, il y a des milliards et des milliards qui sont en jeu, donc ça va se faire, qu'on veuille ou pas. On peut faire toutes les normes qu'on veut pour écrire Monsieur le Biftec du Périgord sur une boîte, on se fait avoir quand même, pour être poli, de tant de manières différentes. Donc tout est basé sur le business, et il y a un autre aspect qui pour moi est fondamental, c'est que cette manière de voir, enfin, ça nous oblige toujours à calculer les choses, ça nous oblige à voir qu'est-ce que vaut ce qu'on mange, je sais pas bien comment dire, mais quel est le langage du business, c'est le langage du calcul, c'est-à-dire où est notre avantage, où est-ce qu'on y gagne. Alors, est-ce que c'est mieux d'aller dans un supermarché, une telle marque, plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est mieux manger un beefsteak que du riz? Mais en fait, ça nous déforme complètement l'esprit. On oublie totalement la qualité de ce qu'on mange, de ce qu'on fait. Et ça, c'est un désastre. Parce que c'est... Il y a un autre exemple. Depuis plusieurs mois, au niveau européen, il y a une définition de normes aussi. Et il y a les associations de consommateurs qui essayaient de faire des logos très simples de couleurs pour dire la qualité des aliments. Bon, c'est pas fait. Et ce qui sera fait, au contraire, c'est ce que veulent les producteurs, c'est-à-dire les intermédiaires ceux qui font du business agroalimentaire, c'est toujours eux, ils peuvent payer des centaines de savants, pas pour dire que la merde qu'ils font c'est bon, parce que c'est pas possible, mais pour donner pour qu'il y ait un doute, dire c'est vrai, c'est peut-être mauvais, mais on n'est pas sûr. On est sûr à 99%, mais quand même, il y a 1%, donc c'est que ça peut être bon, donc on peut le vendre. Donc on a le droit. Et ça, c'est pareil, c'est une question de mentalité. Et tous les députés européens, évidemment, vont adopter le système des multinationales et pas le système des associations de consommateurs. Et c'est notre... je crois que la réaction par rapport à ça, c'est justement pas... De choisir un magasin plutôt qu'un autre, une marque plutôt qu'une autre, c'est de dire qu'est-ce qu'on mange comme qualité. Déjà, s'il y avait de la qualité, on mangerait beaucoup moins. Et parce que quand c'est des aliments sont folatés, il en faut beaucoup plus pour ne pas avoir de carence. Alors on peut même manger trop et être carencé quand même, c'est-à-dire pas avoir tous les éléments nécessaires. Donc il faut qu'on les récupère après avec d'autres produits, des boissons énergisantes, etc. Et puis je me rappelle plus qu'un autre truc m'a fait... Ah oui, non, c'est surtout l'histoire de la mentalité et du langage que petit à petit, sans qu'on s'en rende compte. Mais ce qui fait, enfin juste un petit exemple, c'est quand on rencontre quelqu'un, au lieu de voir quelle peut être son histoire, ses sentiments, etc., on est... Sans s'en rendre compte, on calcule quel intérêt on a à rester. On calcule l'intérêt qu'on a à rester ou pas rester avec cette personne, ou à rester avec ou la fuir. C'est-à-dire, on pèse, on essaie de voir d'après les normes qu'on nous inculque à la télé, etc. Quel est notre avantage ou notre désavantage à faire ou ne pas faire quelque chose, et même dans le rapport les uns avec les autres. Et pour moi, c'est ça qui est le pire dans le business. C'est qu'on se rend pas compte à quel point on est complètement déshumanisé. Waouh, c'est super. Du coup... non, du coup, j'ai bien aimé ce que tu as dit à la fin, mais j'arrive pas à le reformuler, par exemple, pour que Camille, elle le note de manière positive. Tu vois, non, mais je veux dire de manière, en une phrase, c'était un peu de faire attention à la qualité. Enfin, je sais pas, est-ce que tu peux, t'arriverais à faire, je sais pas, un truc que toi tu voudrais dans la société idéale. Parce que là, tu dénonces, et du coup, est-ce que t'as un truc, comment tu voudrais que ce soit? Mais c'est pas évident, parce que c'est quelque chose qui est très subtil. Parce que même. Il y a des tas de choses qui se développent même en agriculture bio par exemple ou avec les AMAP etc. Mais si on a la même mentalité, c'est-à-dire est-ce que mon intérêt d'être dans une AMAP ou d'aller au supermarché à côté c'est moins cher, déjà on est complètement dévoyé. On voit pas, mais derrière l'AMAP, qui c'est le producteur, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient, c'est quoi son histoire. Enfin, je peux vous faire un exemple parce que moi je suis pas un grand théoricien. J'ai participé à la création de la MAP à la Maison des Initiatives Étudiantes, à la MI. Et il y a un producteur qui venait amener ses légumes pour les étudiants. Là aussi, bon, c'était très compliqué, mais il y avait la volonté politique des étudiants d'avoir des légumes bio chez un producteur local, etc. Et bon, je l'ai rencontré, on a discuté un peu, comment dire, c'était pas vraiment une réunion, mais on était un petit groupe, et j'ai demandé au producteur, mais si tu tombes malade, qu'est-ce qui se passe, hein? Et tout de suite, il m'a dit, ben, ma femme, elle devra travailler 80 heures par jour. Après, il a dit, il a réfléchi, mais je ne serai pas malade. C'est-à-dire, je ne serai pas un être humain, je serai une machine. Alors, moi, je dis, si c'est pour arriver à ça, pour manger bio, moi, je préfère manger chimique. C'est idiot, mais bon... chacun a ses choix, chacun a ses problèmes. Et bon, c'est aussi que moi-même j'étais producteur bio, alors c'est ce que c'est. Et c'est tout un ensemble de choses. Dire, c'est pas seulement le fait d'acheter, de payer, ou de dire, oh là, j'ai ça, je paye ça. Le problème, c'est la relation. de relation déjà humaine, ça c'est fondamental. C'est pas qu'un acheteur et un vendeur, ou un consommateur et un producteur, c'est sur toute la planète qu'il faut voir. C'est-à-dire, quelle est la relation que moi, en faisant, en établissant une certaine relation avec d'autres personnes, comment je conditionne l'évolution de la planète ? C'est-à-dire, comment je vais faire en sorte qu'il y ait plus de cultures variées, par exemple, plutôt que de. Comment ça s'appelle déjà le truc pour le Nutella, l'huile de palme. Oui, mais c'est quand on achète un truc qu'on décide si ça, on va déforester le. Qu'on appelle ça déjà, je ne me rappelle plus quel pays c'est. Oui, non, c'est pas. Oui, mais en Indonésie, c'est ça que je voulais dire. En Indonésie, où ils brûlent des forêts entières, ils chassent les habitants qui ne peuvent plus vivre, qui sont obligés d'aller dans les bidonvilles, etc. Et c'est. Il n'y a plus d'orang-outan. Bon, mais ça, je peux remplacer à la limite, mais bon. Je crois que c'est ça qui est important. C'est pas tellement l'acte d'achat, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. C'est qu'est-ce que je fais. Comment la société du futur, elle est déterminée par ça. Quels sont mes choix, quelles sont les bases de choix. Est-ce qu'ils sont humains, c'est-à-dire quelque chose qui peut durer même dans toutes les générations successives, ou c'est quelque chose, c'est mon avantage immédiat tout de suite et que les autres ils se démerdent. Merci, non, c'est super, parfait. Je me rappelle plus trop des tours de parole. Il y avait. Vas-y, tu veux enchaîner. Juste pour faire un rappel, en fait, on est sur l'atelier EducPop. Quelle société veut-on ? Et le thème aujourd'hui, c'est le commerce international. Donc, je vais passer là. Et puis. Du coup, moi, je reviens. C'était juste un petit peu en arrière, mais c'était par rapport au lobby, effectivement, au niveau des députés européens, qui, effectivement, sont très influencés dans leurs décisions. Oui, corrompus, peut-être pas tous, mais en tout cas, il y en a sûrement beaucoup, mais je veux pas mettre tout le monde forcément dans le même sac. Mais effectivement, il y a beaucoup de corruption et de lobbying au niveau alimentaire, mais pas que au niveau Europe. Et du coup, dans la société idéale, ça serait bien qu'il y ait plus d'obligations, de séparation, d'interdiction de. De séparation claire entre les gens qui décident et ceux qui font du commerce et du business, et qu'il n'y ait pas de moyen de corruption possible. Après, je ne sais pas comment c'est possible, mais voilà, dans l'idéal. Hein. Alors, comment c'est possible, on verra ça dans la suite de l'atelier, et ce sera, à mon avis, festif. Ouais, en fait, je me rends compte que dans la société idéale, il ne faudrait pas qu'il y ait de commerce international, en fait. Si on peut résumer un petit peu à ce qui a été dit auparavant, il n'y a pas besoin. Maintenant, c'est un petit peu loin, mais dans ce que je disais tout à l'heure, effectivement, moi, je suis pas un expert, donc je mélange un peu tout. Mais c'est quand vous avez des vins appellation Bordeaux qui sont pas faits dans la région de Bordeaux, quand vous avez des couteaux Laguiole qui sont faits en Chine et qui sont pas faits dans la ville de Laguiole. Je crois que c'est très difficile dans la ville de Laguiole de trouver des vrais Laguiole. Il y a peut-être une boutique encore. C'était plutôt dans ça, en fait. Et pour moi, dans la société idéale, justement, s'il n'y a pas de commerce international, pour moi, ça règle ce problème, parce qu'il faudrait plus que des grands groupes. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fait rire, c'est par exemple les chaussures Doc Martens, qui sont liées au mouvement des punks, etc., appartiennent aujourd'hui à des fonds de pension américains. Donc c'est des papy-mamies qui ont peut-être voté Donald Trump, qui possèdent Doc Martens, quoi. En gros, toutes ces conneries, faudrait stopper ça, en fait. Et que tout le monde puisse garder, on ne devrait pas arriver à des entreprises, enfin des entreprises, dans la société idéale, je sais pas s'il y aurait d'entreprises, mais des savoir-faire, tiens, on va appeler ça comme ça, un savoir-faire, je sais pas, moi, des gens qui font un pastis d'hôtel, ça fait 10 ans qu'ils font un pastis comme ça, qui est très très bon. Et il devrait pas y avoir un géant qui fait, du vin à côté, qui tout d'un coup décide qu'il va racheter l'entreprise qui fait du pastis depuis 50 ans. Et dans la société idéale, en tout cas, moi, j'aimerais pas qu'il y ait ça, en fait. Et que finalement, qu'il n'y ait pas de mise en concurrence ou de le gros qui mange le petit, et bien évidemment pas de profit. Donc le commerce international, je serais pour le supprimer, mais pour qu'il y ait plus des espèces d'échanges, parce que forcément, c'était idéal, les territoires ils sont étendus, donc c'est important. Et on a parlé souvent des échanges entre les personnes, etc. Et ben, je sais pas si le terme échange commerciaux c'est un peu maladroit, mais en tout cas, voilà, il faudrait quand même qu'il y ait des, voilà, qu'on se parle et qu'il y ait des savoir-faire qui se partagent aussi. Dans certaines régions, il faut mieux autre chose que, bah, par exemple, nous en France et vice versa. Donc, il faudrait trouver un espèce de système sans douane, sans taxes, sans normes, sans prix, quoi que ce soit. Moi, la dernière chose que je vais dire, c'est que ça, je tourne en boucle sur le vin. Mais par exemple, vous avez souvent des prix de machin, de trucs, et en fait, vous rendez compte que c'est limite, en fait, les gens qui produisent le vin qui font leur propre prix, en fait. Donc après, c'est facile de mettre premier prix de machin, et parce que finalement, c'est pareil, c'est des espèces d'associations, d'organisations, etc. Et ils font leur même leur médaille d'argent, leur médaille d'or, machin, et en fait, c'est de la floute, tout ça. Et on vous les met en tête de gondole à Carrefour ou toutes ces grandes enseignes que moi, je peux pas piffrer, pour que les gens puissent en acheter, quoi. Et qui savent pas forcément d'où ça vient, donc voilà. Ok. Juste, je demande juste une précision. Quand tu dis pas de commerce international, du coup, s'il n'y a pas de commerce international, je pense que genre tout ce qui est un peu électronique, ça n'existe plus. Donc, qu'est-ce que t'en penses ? Non, tu peux faire des choses électroniques en France. Tu peux. Là aujourd'hui, pourquoi on le fait pas ? Parce qu'on a des entreprises qui trouvent des gens pour le faire deux fois moins cher ailleurs. Mais si tu sors de cette notion de rentabilité, de profit, etc., etc., n'importe qui pourrait fabriquer un téléphone portable. Alors moi, après moi, le souci, c'est au niveau de l'écologie. Je suis pas trop fan. Mais une tablette solaire, comme j'en ai déjà parlé une fois ici, il y aura pas cette. Tout à l'heure, je parlais de mise en concurrence de savoir ou de grosses entreprises, petites entreprises. Bah, il y aurait pas cette mise en concurrence de entre guillemets de travailleurs. Mais bon, après dans la société idéale, le travailleur c'est un très très flou. Hein. Mais du coup voilà, pour moi il n'y a pas de souci. Si tu veux faire un truc électrique, tu peux le faire à Paris, comme en Afrique, comme partout. Ok. Ouais, ça c'est le commerce international, c'est un sujet intéressant, notamment dans le sens où on sait qu'il est monopolisé par de très grosses entreprises qui centralise l'information et du coup les produits qu'on pourrait recevoir de l'international passent par des réseaux extrêmement fermés. Donc si on voulait découvrir, je sais pas, un super produit fait en localité à déguster, je sais pas, une salade de légumes produite en Inde, on sera jamais au courant tant que cette salade de légumes aura pas accepté les conditions de Carrefour. Ça c'est une question qui se pose aussi au niveau de la localité. Je veux dire, par exemple, on veut des champignons, on sait pas qu'il y a des champignons qui sont juste à côté, du coup on va à Franprix ou je ne sais quoi sur des gros réseaux qui monopolisent complètement l'information, et vu qu'on n'est pas au courant qu'il y a des champignons qui se font pas trop cher juste à côté, on va acheter ceux qui viennent de Chine. Donc le commerce international, je pense qu'on pourrait le voir autrement si nous on était capable d'organiser une forme de réseau alternatif qui puisse se défaire justement de ces multinationales qui aujourd'hui sont les seules quasiment à permettre. Et Facebook fait pareil, hein. C'est-à-dire que Facebook c'est un vecteur d'information. Donc quand il y a un produit qui se fait, par exemple, culturel, genre de la musique, super musique chinoise, j'ai découvert la musique chinoise, j'ai adoré, c'était trop bien et tout. Je l'ai découverte sur Facebook. Donc c'est encore une multinationale qui a des codes très précis et qui nous oblige à passer par, voilà. Pourtant, on a découvert aussi parfois des groupes de punk rock américains qui étaient géniaux et...